Oh les gars, c'était Michel. Michel Espadrille. Éducation à tous les Michel de France et de Navarre. Navarro, allez. Parti. Michel, point d'exclamation. Parti. T'es nul, t'es moche. En plus t'as la brioche. T'es con, inutile, comme un vivre au sans pire. T'es lourd, t'es chiant, comme une sale rage de dents. T'es un moulé, un con, toujours la tête dans le fion. T'es Michel. En plus t'as pas d'email. T'es Michel. Tu te brosses les dents au bec Excel. T'es Michel. T'es né, t'es lit, tu picoles du canard WC. C'est pas ta faute. T'es né comme ça. T'as du colis. Un, au boulot, ton prénom est devenu légende. Pourtant ta connerie, elle, elle est bien réelle, j'ai pas belle. Devant Star Academy, toute la journée, tu glandes. Pour te pendre, et c'est la corde plus solide que la selle. T'es Michel. Tu collectionnes les pochettes. T'es Michel. Tu manges de la choucroute en concert. T'es Michel. Tu préfères pédaler sans la selle. C'est pas ta mode, voir toujours ta gueule, ça nous énerve. Les courses et ton dada. Tous les samedis, allez. T'es là comme un fada. Un pochette en cadet. De la salade dans les roues. T'empêche t'as les droits. T'as oublié de peser les légumes. Encore une fois. T'es Michel. Tu carbures à la tisane au miel. T'es Michel. T'as vraiment pas inventé l'eau chaude. T'es Michel. Tu collectionnes les mini tours Eiffel. Mais c'est pas grave, être con. C'est à la mode. Ouais. C'est pas drôle. Michel. Wesh wesh, bang bang.